Radiomatic. Cette transmission 044 de Dieumatique s'ouvrait avec le projet Détritus qui est mené par David Dendomore et qui nous présentait la pièce Paper Cuts, pièce qui ouvre son deuxième album Origin, paru en 2005. Vous êtes en compagnie des électronistes pour la prochaine heure à l'émission Audiomatique, émission qui est consacrée à la musique électronique. Et en ce faisant, nous ne limitons pas, au contraire, puisque la musique électronique a cette qualité presque infinie de s'amalgamer avec tous les genres et tous les styles. Alors, nous avons en réserve pour vous des musiques très hybrides et qui vont dans à peu près toutes les directions. Et ce qui ouvrira d'ailleurs la prochaine séquence, c'est le duo néerlandais Arling and Cameron qui nous offre une musique électro assez rétro. Et je vous offre à entendre, nous vous offrons à entendre la pièce BB Electro. Voici Arling and Cameron à Audiomatique. Fou de diversité. C'est Fou 89. Précédemment à la pause publicitaire, on pouvait entendre à Audiomatic le projet brésilien Combustion, qui est mené par Marcello Baldin. Il nous présentait la pièce Building the House of Vanity, sur laquelle on pouvait entendre la chanteuse Carol Roth. Et Combustion est en fait un projet qui n'a pas vraiment endisqué beaucoup sur disque, bien sûr. Et il a plutôt composé des musiques pour différentes publicités, films, émissions télé. Donc, si ça vous intéresse, jetez un petit coup d'oreille du côté de Combustion, projet brésilien. Tout juste avant, c'était AK-1200, le projet de Dave Miner, qui nous vient de la Floride et nous présentait, tiré de son premier album, la pièce « The Lichen ». Son premier album, lui, qui s'intitule, laissez-moi voir, qui s'intitule « Shoot to Kill ». Et comme vous avez pu le constater, la musique de AK-1200 donne dans le drum and bass avec quand même une touche intéressante, très ambiante. Et on débutait la séquence avec le duo néerlandais Arling & Cameron, composé de Jerry Arling et de Richard Cameron. Ils nous présentaient la pièce BB Electro de leur troisième album, album qui prend le titre tout simplement de We Are ANC. Et leur musique, comme je vous le mentionnais en début de bloc, donne parfois, très souvent, dans le rétro électro. Donc, très agréable, surtout en période estivale. Nous poursuivons cette fois en musique avec une formation française du nom de Tara King Theory qui nous offre à l'instant la pièce The Return of the Shadow à Audiomatic. Allow me to remind the counsel for the defense that pictures do not lie. Your Honor. Thank you. doesn't she just end it all? When that final moment comes and I'm breathing my last breath, what will I be saying to myself? Is that all there is? Is that all? Cette séquence musicale se terminait à Audiomatic avec le trio américain Sunday Munich, qui est formé de Manton J. Matthews Tree, de Sarah Hubbard et de Chandler Rentz. Les deux premiers, en fait, font maintenant partie de la formation Saltillo, et Chandler Rentz était aussi partie prenante de la formation de Changelings. Et de Sunday Munich, nous entendions la pièce Eleven Toes, et c'est tiré de leur deuxième album qui s'intitule Vinculum. Et ils n'ont que deux albums à leur actif, Sunday Munich. Par la suite, comme je vous l'ai mentionné, les membres Manton J. Matthews Tree et Sarah Hubbard ont formé Saltillo, qui a en commun avec la musique de Sunday Munich le violoncelle. Tout juste avant, c'était le trio allemand Rottersand avec la chanson One Level Down de leur premier album qui s'intitule Truth is Fanatic. Et deux des membres de Rottersand ont fait partie par le passé de la formation de Fair Sex et ont débuté avec cette fois le groupe français Tara King Theory et la pièce instrumentale The Return of the Shadow. Ça se retrouve sur leur mini-album Echoes of the Future, qui est disponible gratuitement en téléchargement sur leur site, tout comme le cousin de ce mini-album, soit Echoes of the Future Remixed, qui comprend bien sûr les pièces que l'on retrouve sur le mini-album Echoes of the Future, mais en version remixée. Et ces deux mini-albums sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site de Tara King Theory. Le site se situe au www.tkth.com. C'est presque tout en ce qui a trait à cette transmission 044 d'Audiomatic. J'espère que vous avez su apprécier cette offrande musicale que nous vous avons faite. Je vous rappelle que pour consulter les anciennes transmissions d'Audiomatic, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook à facebook.com/audiomaticcfou. Et sachez aussi que l'émission est diffusée en rediffusion sur les ondes de C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Nous vous invitons également à communiquer avec nous pour peu importe la raison en nous écrivant à l'adresse audiomaticcfou@commercial.gmail.com. Pour clore l'émission, nous allons entendre un dernier segment qui sera composé de trois pièces. Tout d'abord, le projet, ou plutôt le collectif australien The Avalanches, nous offrira la pièce Frontier Psychiatrist de leur tout premier album qui a pour titre Since I Left You. Et sur cet album, The Avalanches ont utilisé à profusion l'échantillonnage, donc ils ont puisé à droite et à gauche des échantillons de pièces, de chansons de d'autres artistes pour composer leurs propres pièces. Et d'ailleurs, la légende veut qu'ils ont dû alléger considérablement leur pièce originale, puisque ça aurait été trop complexe de gérer les droits d'auteur s'ils avaient lancé leur album de la façon dont ils le voulaient à l'origine. Et on dit aussi que Madonna a donné son aval pour utiliser un échantillonnage de la pièce Holiday, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ce qui suivra The Avalanches, ce sera le groupe allemand Turntable Rocker avec la pièce Gimme Some Sound de leur premier album qui s'intitule Classic. Et on terminera l'émission avec le groupe belge Lunascape et la pièce Lane Navashi, qui est en fait le thème d'un film d'animation d'horreur belge qui a pour titre Haunted Castle. Et cette pièce, on la retrouve sur l'album Reminiscence, qui est en fait un album compilation de différentes pièces de Lunascape puisées à travers leur discographie, et quelques pièces aussi sont inédites. Alors, les électronistes qui vous remercient d'avoir été à l'écoute et qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain à 17h pour la transmission 045. D'ici là, bonne semaine. Voici The Avalanches. Dexter ill, ill, ill, ill, Dexter ill today? Oh, Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. That boy needs therapy. You're psychosomatic. That boy needs therapy. You're lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Brannigazoo, let's have a tune. I want to count three. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and midgets, Indians and what frontier survivors? I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls and milk. Rectangles. Two optometrists. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Pour juice on your chin. I promised my girlfriend I'd get the violin. Rocks.